Je suis à 124 BPM. Tap tempo pour voir. Là, je vais muter le métronome là. Ah oui, alors là sur ce truc là. Bon, je vais réessayer Jam Tabba. Ça m'énerve. Je vais retenter ma chance.